koningana tena monio. Nani anguwa? Jizo. Awilo longumba. Giscard Loubam Allez, digi digi, tcha tcha, bazui ma tcha tcha, babeli mou cousin.